الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله ففي هذه الخطبة نستعرض شيئا من فضائل ذي النورين الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه فإن ذكره وذكر الصالحين حياة للقلوب وشحذ للهمم ودعوة للاقتداء بهم ونعم القدوة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رضي الله عنه قد جمع الله له من الفضائل والمزايا والخصائص ما أهلته بفضل الله لأن يكون ثالث رجالات هذه الأمة في الفضل والمنزلة بعد محمد صلى الله عليه وسلم دون منازع وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع أصحابه يقولون أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيقرهم ولا ينكره عليهم سافتاد الله. Le sujet dont nous allons parler dans cette khutba, c'est au sujet des mérites et de l'excellence de celui qu'on a appelé Dhun-Nurayn, c'est-à-dire le troisième khalifa parmi les khulafa de l'islam, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Parce que le fait de mentionner les hommes pieux, il y a dans cela le fait de faire revivre les cœurs. Et il y a quelque chose qui ravive l'intérêt et qui fait en sorte qu'on essaie de leur ressembler et de les prendre comme modèles. Et la meilleure ou une des meilleures exemples à suivre, c'est de suivre l'exemple des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anhum. Certes, Uthman ibn Affan, Allah subhanahu wa ta'ala a rassemblé en lui de grands mérites et de grandes particularités. Et c'est pour cette raison qu'il est devenu, par la grâce d'Allah, le troisième en importance parmi les hommes de cette umma, dans le mérite et dans le statut, après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sans aucun désaccord. Et il est suffisant pour toi, pour être convaincu de cela, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, entendait ses compagnons dire que le meilleur de cette umma après son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr, et puis ensuite Omar, et puis ensuite Uthman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuvait ce qu'il disait et il ne condamnait pas ou il ne dénonçait pas leurs propos. فهيا بنا إلى تعطير أسماعنا بشيء من أخبار هذا الرجل الصالح ومآثره. إن عثمان رضي الله عنه أولا تربط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أواصر القربى والمصاهرة. أما القرابة فيجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأب في عبد مناف وهو الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم. أما من جهة الأم فأمه حفيدة عبد المطلب بنت ابنته. ثم جمع إلى هذه القرابة القريبة من نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم بأن تفضل الله عليه فكان سهرا للنبي صلى الله عليه وسلم. فزوجه أولا رقية فلما ماتت بعد بدر زوجه أختها أم كلثوم. وقد نص بعض السلف أنه لم يتفق لأحد أن نكح ابنتي نبي غير عثمان رضي الله عنه، ولهذا سمي ذو النورين لأنه تزوج ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيرفيتور الله laissons maintenant nos oreilles être embellies par les informations et les mentions de cet homme pieux et les effets et les bonnes choses qu'il a fait durant sa vie. Certes, Uthman avait un lien de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus d'avoir un lien de parenté avec lui, il y a même des liens de sang du fait qu'il a épousé deux d'entre les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, il avait un lien de parenté avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque son troisième grand-père, Abdou Manaf, était également, il se rejoint avec lui dans sa lignée et dans sa généalogie. Et donc, ils ont en commun, dans leur généalogie, le troisième grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Abdou Manaf. Et du côté de sa mère, la fille de la fille d'Abdul Muttalib était la mère de Uthman. Et donc, était la cousine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc ils ont un lien de parenté dans ce côté-là aussi, du côté de son père et du côté de sa mère. Et puis par la suite, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un lien de sang avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam du fait qu'il a épousé premièrement Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle est décédée après la bataille de Badr. Et donc, il a épousé sa sœur, Umm Kulthum. Et certains d'entre les salafs ont mentionné à ce sujet justement que personne n'a épousé deux filles d'un prophète, excepté Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Et c'est pour cette raison-là qu'on l'a appelé Dhunnurayn, c'est-à-dire celui qui avait les deux lumières, hein, les deux filles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. أما عن إسلامه فكان من السابقين الأولين إلى الإسلام. أسلم على يد أبي بكر في أول من أسلم، فنال شرف الدخول في قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Également, parmi les mérites de Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, c'est qu'il a été parmi les premiers musulmans à accepter l'islam, et parmi les premiers à entrer dans la religion d'Allah. Et il s'est converti par la main de Abu Bakr, radiallahu anhu. Et donc il a reçu la noblesse de rentrer dans la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le verset saint, dans surat al-Tawbah. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, en glorifiant les premiers croyants, السابقون الأولون, c'est-à-dire ceux qui ont précédé et qui ont devancé les autres parmi les croyants, parmi les muhajirin et les ansar et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, Allah dit qu'il est satisfait d'eux et que eux sont satisfaits de lui et qu'il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement et cela est l'énorme succès. وكان من المهاجرين الأولين هاجر إلى الحبشة مع امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أذاهم المشركون ثم هاجر إلى المدينة فكان له النصيب الأوفى من قوله تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Également, il faisait partie des muhajirin. Il faisait partie de ceux qui ont fait la hijra, parmi les premiers à avoir fait la hijra. Et même qu'il a fait deux hijras durant sa vie. La première hijra vers l'Éthiopie, avec sa femme, Ruqayya, qui était la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après que les mushrikoun leur aient fait du tort. Et par la suite, il a également fait la hijra vers la ville de Médine, Al-Madina, Al-Nabawiya. Et il a donc la plus grande part de la parole d'Allah. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie « Et ceux qui ont émigré pour Allah, et après avoir reçu de l'injustice ou après avoir été opprimés, nous allons leur donner la meilleure demeure dans cette dunya. » Et la récompense de l'au-delà est plus grande si seulement ils savaient ceux qui ont fait preuve de patience et qui ont mis leur confiance en leur Seigneur. Wa min fadlillahi alayhi an kataba lahu al-ajra hudur Badr ma'a kawnihi lam yashhadha wa dhalika annahu takhallafa anha li-inshighalihi bi tamrid zawjatihi Ruqayya wa kanat fi marad al-maut. Thabata fi sahih al-Bukhari عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن لك أجر من شهد بدرا وسهمه وأهل بدر كلهم في الجنة وأهل بدر اطلع الله عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Serviteur d'Allah, également parmi les mérites de Uthman ibn Affan, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour lui la récompense d'avoir participé et d'avoir été présent à la bataille de Badr, malgré qu'il n'a même pas, il n'y avait pas été présent. Et la raison pour laquelle il n'était pas présent à la bataille de Badr, c'est parce qu'il était resté derrière pour s'occuper de sa femme qui était mourante, Ruqayya, radiyallahu anha, wa radiyallahu anhum ajma'in. Et donc elle était mourante et il est resté pour s'occuper d'elle. Et il a été rapporté dans le hadith authentique par Al-Bukhari selon Ibn Umar, radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tu auras la récompense de celui qui a assisté à la bataille de Badr et tu auras sa part également. » Et la raison pour laquelle, c'est parce qu'il a eu une excuse valable pour laquelle il n'a pas participé à la bataille de Badr. Et on sait à propos des gens qui ont été présents ou qui ont assisté à la bataille de Badr, que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la récompense du paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a regardé les gens de Badr et il leur a dit « Faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné. » Et donc ça c'est un mérite que Uthman ibn Affan obtient à cause de cela. وَمِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ كَتَبَ لَهُ فَضْلَ بَيْعَةِ الرِّدْوَانِ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يُبَايِعْ بِنَفْسِهِ فَقَدْ كَانَ فِي مَكَّةِ وَقْتَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هَذِهِ يَدُ عُثْمَانِ يعني يده اليمنى فضرب بها يده الأخرى فكان يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يد عثمان لنفسه ومن فضل أهل بيعة الرضوان أنه لا يدخل النار أحد منهم فقد أنزل الله عليهم رضاه فقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Et parmi les mérites de Uthman également, il y a que Allah subhanahu wa ta'ala lui a écrit le mérite d'avoir assisté à l'allégeance sous l'arbre, celle qu'on appelle Bay'atul Ridwan, avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il n'a pas fait de serment d'allégeance par lui-même. puisqu'il était à Mecca en train de négocier avec les mouchriquins à ce moment-là. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a pris l'allégeance des compagnons, il a mis une main, sa main droite, pour Uthman ibn Affan, et il a dit cette main, c'est pour Uthman, et il a fait la bay'a à sa place. Et donc la main, la bay'a, ou la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la bay'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Uthman a été meilleure que si c'était sa propre main qui était là pour faire la bay'a au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les mérites des gens qui ont fait l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Bay'at al-Ridwan, c'est qu'aucun d'entre eux n'entrera en enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset dans le Coran qui mentionne qu'il a été satisfait de ses croyants au moment de cette allégeance. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, Allah a certes été satisfait des croyants lorsqu'ils ont prêté allégeance sous l'arbre. Et Allah a su ce qu'il y avait dans leur cœur, et il a fait descendre sur eux la tranquillité et leur a donné comme récompense une victoire proche. ومن فضائله رضي الله عنه أن الله بسط له في الرزق فسخر ماله في خدمة الدين ونصرة ربه ونصرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فيبتغي ما عند الله فما عند الله خير وأبقى ومن جهاده بالمال أنه جهز جيش العسرة بماله وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة فله الجنة أخرجه البخاري وفي غير الصحيح أنه جهزه بثلاثمائة بعير وبعشرة آلاف درهم رواه أحمد وغيره. Et parmi les mérites d'Uthman ibn Affan radiallahu anhu, c'est que Allah lui a donné de la richesse. Il faisait partie des riches commerçants parmi les croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette richesse et il a utilisé son argent et sa richesse pour défendre la religion d'Allah et pour venir au secours de son prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il recherchait uniquement la récompense d'Allah, puisque la récompense d'Allah, c'est ce qui dure et ce qui reste et qui est meilleur. Et donc parmi les efforts et le djihad qu'il a fait avec son argent, c'est qu'avec son argent, il a préparé à lui seul une armée au complète, un régiment complet. Il les a armés et il les a habillés et il les a préparés avec son argent à lui, de son propre argent. Et ça s'est rapporté par Al-Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que celui qui est capable de préparer l'armée qu'on appelle Jaysh al-Usra, il aura le paradis. Et Uthman ibn Affan l'a fait à lui tout seul, radiallahu anhu. Et dans d'autres hadiths également, qui sont dans d'autres livres comme la Musnad de l'imam Ahmad et autres, il l'a préparé avec 300 ânes et 10 000 dirhams. Il a dépensé de son propre argent. وكان في المدينة بئر عذبة الماء يقال لها بئر رومة لرجل من اليهود فكان يبيع الماء على الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة ودلوه فيها كدلاء المسلمين له الجنة فاشتراها عثمان وجعلها للمسلمين وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وبالشهادة فقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف الجبل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشاهدان رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم عثمان في الجنة رواه أبو داود وغيره من حديث سعيد بن زيد. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné beaucoup de mérites aux compagnons, aux sahabis, Uthman ibn Affan. Et parmi les mérites d'Uthman ibn Affan, c'est qu'il a acheté pour les musulmans le puits qui s'appelait Bi'r Rouma. C'était un puits dont l'eau était douce. Et il appartenait à un juif. Et le juif qui possédait ce puits vendait l'eau aux gens de la ville. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui va acheter pour les musulmans le puits de Rouma? Et il aura le paradis. Et qui l'a acheté? C'est Uthman ibn Affan, avec son argent, pour les musulmans. Et donc c'est resté jusqu'à aujourd'hui pour les musulmans. Et donc, il aura, bi'ithnillah, la promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam du paradis. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné en sa faveur qu'il sera au paradis et qu'il sera martyr. C'est-à-dire qu'il va mourir martyr. Et c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était monté sur la montagne de Uhud avec Omar, avec Abu Bakr, Omar et Uthman. Et Uhud s'est mis à trembler et à secouer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, reste tranquille, Uhud, car il y a sur toi un prophète, un véridique et deux martyrs. Un prophète, un véridique et deux martyrs. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari. Et il y a la narration de Abu Daoud et d'autres également, selon Saïd ibn Zayd, qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Uthman sera au paradis. ومن عظيم سجاياه وجميل أخلاقه أن كان من أشد الناس حياء وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عثمان حي ستير تستحي منه الملائكة أخرجه ابن عساكر وصححه الألباني وفي صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث فلما خرج فقالت عائشة رضي الله عنها دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة فرضي الله عن عثمان خير الجزاء. Parmi les grandes caractéristiques et les grandes qualités de Uthman ibn Affan et de son bon comportement, c'est que c'était un homme timide, qui avait une grande pudeur. Et ça, c'est une des grandes qualités chez les croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Uthman, c'est un homme timide, un homme pudique. Et les anges étaient gênés de lui. Les anges étaient gênés en sa présence. Et également, c'est rapporté par l'imam muslim, selon Aïcha, radiallahu anha, qu'elle a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, approchez-vous un peu, faites un peu de place pour ceux qui viennent derrière vous. Aïcha radiallahu anha, elle mentionne et elle explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans sa maison et il était allongé. Et une partie, on pouvait voir une partie de sa cuisse. Et Abu Bakr radiallahu anhu est venu et il a demandé la permission pour rentrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la permission de rentrer. Et il a parlé. Ensuite, après avoir discuté, Omar ibn al-Khattab est arrivé, radiallahu anhu. Et il a demandé la permission d'entrer. Et il était dans le même état, c'est-à-dire on pouvait encore voir une partie de sa cuisse. Alors, il est rentré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé rentrer et ils ont discuté ensemble. Puis ensuite, Uthman, radiallahu anhu, est arrivé. Et à ce moment-là, il lui a donné la permission de rentrer et il s'est assis droit et il a arrangé son vêtement pour couvrir sa cuisse. Et Aïcha radiallahu anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi lorsque Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma sont rentrés, tu es resté dans cet état. Puis lorsque Uthman est rentré, tu as couvert ta cuisse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vais-je pas être gêné devant celui dont les anges sont gênés? Et donc ça c'est pour montrer le mérite de Uthman ibn Affan. Faradiyallahu an Uthman wa jazahu an al-islam wa ahlihi khayr al-jaza. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa al-ghafur al-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن بعد استشهاد عمر رضي الله عنه اختار المهاجرون والأنصار عثمان بن عفان أميرا للمؤمنين، ولو كان يتقدمه أحد في قلوبهم لاختاروه، فمن طعن في خلافته فقد خالف سبيل المؤمنين، فصار في الناس سيرة العدل والتقى والصلاح والرحمة والحزم، فازدادت الفتوحات الإسلامية في زمنه، واتسعت رقعة الخلافة الإسلامية اتساعا كبيرا، وحصل للمسلمين من سعة العيش والرفاهية والأمن والمودة فيما بينهم شيء عظيم. ولم ترق هذه العزة الإسلامية والخلافة الراشدة العثمانية لأعداء الإسلام، فكادوا ومكروا وشوهوا سمعة عثمان، وأوغروا صدور الغرباء البعداء عليه، فاجتمع عدة آلاف منهم في المدينة وحصروا عثمان في داره، يطلبون منه التنحي عن منصب الخليفة والرحيل عن سدة الحكم، وضيقوا عليه الحصار حتى منعوه من شهود الجماعة، ثم منعوا عنه الماء وهو الذي سقى المسلمين بئر روما، وأصر على صالح رعيته من الصحابة وأبنائهم أن يضعوا سيوفهم ويلزموا بيوتهم، لا يريد أن يراق دم مسلم بسببه، وقد علم أنها الفتنة التي أخبره بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره بالصبر عليها حتى يلحق به عليه الصلاة والسلام. ثم بلغ بهم الخبث مبلغه، وتصوروا عليه الدار فذبحوه، فخر شهيدا مضطرجا بدمه وهو يقرأ القرآن رحمه الله ورضي الله عنه. فكانت تلك أول مظاهرة في الإسلام على ولي الأمر، وأول خروج بالقوة والسلاح، وحصل بسبب ذلك من الفرقة والاختلاف ما هو باق إلى يومنا هذا. Certes, après la mort et le fait que Omar ibn al-Khattab a été assassiné, à la fin de sa vie, il a été assassiné. Mais les muhajiroun et les ansar, parmi les sahaba, radiallahu anhum, ont choisi, après Omar ibn al-Khattab, Othman ibn Affan comme dirigeant pour les musulmans. Mais et si quelqu'un de meilleur que lui existait à ce moment-là, dans leur cœur, ils auraient choisi quelqu'un d'autre. Et donc s'ils ont choisi Othman, c'est parce que c'était lui le meilleur après Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Donc quiconque attaque ou critique le khilafa d'Othman ibn Affan, alors il a contredit la voix des croyants, la voix des sahaba. Puis ensuite, on a vu de la vie d'Othman ibn Affan durant son khilafa, de la justice, de la piété, du bien, de la réforme, de la miséricorde et de la fermeté. Et on a vu s'agrandir les limites et les victoires de l'État islamique à son époque. Et on a vu s'agrandir le khilafa de l'islam d'un grand agrandissement. Et les musulmans ont eu, durant cette période, une vie avec beaucoup de biens, beaucoup de richesses, beaucoup de facilité et beaucoup d'amour entre eux. Mais à ce moment-là, les ennemis de l'islam ont commencé à planifier et à s'organiser pour faire du tort aux musulmans et pour essayer de détruire le khilafa. Et donc, ils se sont réunis et ils ont organisé un complot et une ruse contre l'honneur et contre la réputation de Othman ibn Affan, et ils ont commencé à semer la haine et les mensonges dans le cœur de certains individus qui ont vécu loin des sahaba et loin de al-Khalifa, loin du Khalifa. Ils se sont tous réunis par milliers et ils sont arrivés à Médine et ils ont encerclé la maison de Othman ibn Affan en lui demandant d'abandonner le Khilafa et de leur donner ou de laisser le pouvoir. Et ils ont encerclé sa maison pendant longtemps. Et ils l'ont même empêché d'assister à la prière en groupe dans la mosquée. Puis à la fin, ils lui ont même interdit de l'eau. Et alors que c'est lui qui avait acheté pour les musulmans le puits de Roma. Et ils ont et malgré tout ça, il a continué à dire aux musulmans et aux autres sahaba qui entendaient parler de ce qui se passait à Médine, il leur a interdit de prendre les armes contre lui, contre ceux qui se révoltaient contre lui. Et il leur a ordonné de rester chez eux et de ranger leurs épées pour ne pas faire couler le sang des musulmans à cause de lui. Donc il ne voulait pas qu'il y ait une fitna, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait averti la Umma et lui avait mentionné qu'il y allait y avoir justement ce genre de fitna, et il lui avait ordonné de faire preuve de patience et d'endurance jusqu'à ce qu'il le rencontre, jusqu'à ce qu'il le rencontre Indal Haud, au jour de la résurrection. Mais la méchanceté et l'égarement de ceux qui sont venus pour se révolter contre lui a continué de s'accroître et de s'agrandir jusqu'à ce qu'ils montent par-dessus la muraille qui entourait sa maison. Ils ont traversé cette muraille et ils sont rentrés à l'intérieur de sa maison pour l'assassiner. Othman ibn Affan radiallahu anhu. Et donc il est mort shahid. Et yani, il est tombé baignant dans son sang alors qu'il était en train de réciter le Coran, rahimahullah wa radiyallahu anhum. Et donc ça, c'était la première manifestation qui a été faite dans l'islam contre un dirigeant musulman, et c'était la première révolte qui avait été faite par la force et par les armes. Et on a vu ce qui est arrivé à cause de cette révolte et de cette manifestation, comme division et comme divergence qui continue même jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est l'exemple de l'attitude des Khawarij jusqu'à nos jours, qui incitent les gens à se révolter contre un dirigeant lorsqu'ils ne sont pas satisfaits de lui. Et même lorsque c'est le meilleur d'entre les dirigeants, ou un des meilleurs, comme Othman ibn Affan, qui n'avait rien à se reprocher et qui avait été promis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam le paradis. Mais ils ont quand même trouvé contre lui des choses à lui reprocher. Et même s'il fallait inventer des mensonges pour le blâmer de quelque chose, eh bien ils étaient prêts à mentir aussi pour l'accuser et pour inciter les gens à se rebeller et à sortir contre lui. Et donc on a vu le résultat, l'assassinat d'Othman ibn Affan. فمات عثمان شهيدا ضاربا للأمة مثلا عظيما في الصبر والاحتساب وتعظيم حرمة دماء المسلمين كما أوذي في حياته فإنه اليوم يؤذى في مماته بما يشاع عنه من قالة السوء وأوصاف السوء تصدر عن قلوب خبيثة وألسن سفيهة وأقلام حاقدة وأفكار فاسدة وأي فساد وانتكاس أعظم من أن يذم المرء من يمدحه الله ورسوله أو يبغض من يحبه الله ورسوله أو أن يقدح في من يزكيه الله ورسوله نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب نبيه وحب أصحابه وآله وأن يحشرنا في زمرتهم وأن يلحقنا بهم في الصالحين. Serviteur d'Allah, pour terminer, il faut dire que Othman est mort comme martyr. Et il a donné un exemple pour cette Ummah dans sa patience et comment il a eu un grand respect pour le sang des musulmans. Il a été, il a subi des difficultés durant sa vie. Il a enduré les mauvais comportements de ces gens-là envers lui durant sa vie. Et jusqu'à sa mort, il a fait preuve de patience. Et après sa mort, des langues sales, des cœurs mauvais et des esprits futiles ont essayé de faire propager à son sujet des paroles et des idées et des pensées qui sont incorrectes et injustes. Et qui est plus grave et plus mauvais que celui qui blâme celui que Allah a glorifié ainsi que son messager? Et qui est plus grave dans son égarement que celui qui déteste celui que Allah aime ainsi que son messager? Et qui est plus grave que celui qui critique et qui attaque celui que Allah et son messager celui dont Allah et son messager ont fait l'éloge, hein? Et donc c'est pourquoi on retrouve dans les écrits et dans les paroles des Rafidah, des Shia Rafidah et des Khawarij et de ceux qui leur ressemblent des critiques et des paroles mauvaises contre Othman ibn Affan dont il a été innocent durant sa vie. Et l'exemple de ça, c'est les paroles qu'on retrouve dans les livres de Sayyid Qutb, qui prétend que le khilafat de Uthman était un trou entre le khilafat de Omar et de Ali, radiallahu anhu, comme si son khilafat n'avait aucune valeur et comme s'il n'était pas un des khulafa al-Rashidin. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de ces langues sales, et on demande à Allah de nous donner l'amour de ses compagnons, l'amour de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'amour de tous ceux qui ont été avec les hommes pieux. Et on demande également à Allah subhanahu wa ta'ala de donner à nos dirigeants musulmans la force, la clarté, la compréhension de l'islam et la foi, pour qu'ils fassent d'eux des guides pour la Ummah et qu'ils les ramènent à la droiture. Parce que si on ne fait pas d'invocation pour eux, eh bien, qui va le faire? Hein? Ce sont eux qui sont les responsables de notre Ummah. Ce sont eux qui sont responsables des musulmans. Et ce sont donc pour eux qu'on doit faire des du'as en leur faveur, pour que Allah leur fasse miséricorde, pour que Allah les guide, pour que Allah subhanahu wa ta'ala illumine leur cœur de la guidance et de la lumière de l'islam. Et si les dirigeants deviennent bons, eh bien le reste de la population deviendra bonne. Mais si les dirigeants sont mauvais et qu'on ne fait pas d'invocation pour eux, eh bien la situation va continuer de la façon dont elle est. Et donc il ne faut pas agir comme ceux qui se sont révoltés contre Uthman ibn Affan, mais il faut agir comme les Sahaba nous ont enseigné d'agir et comme les Salaf al-Salih nous ont enseigné d'agir, c'est-à-dire d'écouter et d'obéir dans le bien et de désobéir si on nous ordonne de faire un péché, mais de ne jamais retirer notre main de l'obéissance de celui à qui Allah a donné l'autorité et le pouvoir. Et ça, c'est la méthodologie de nos pieux prédécesseurs. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. وأذل الخوارج والخارجين عن منهج السلف. الخارجين عن طريقة الصحابة. واهدنا إلى صراطك المستقيم. وأصلح أحوال الحكام المسلمين إنك ولي ذلك والقادر عليه وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا صووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة حادوا بين المناكب والأقدام تراصوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر